nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1971, le comédien Pierre Clémenti fut arrêté à Rome en possession d'une quantité dérisoire de stupéfiants, ce qui lui valut une incarcération de 18 mois en Italie dans des conditions difficiles avant d'être acquitté et relaxé. De l'avis de ses proches, ces mois d'emprisonnement le marquèrent profondément pour le reste de son existence. Dans sa prison de Rome, Pierre Clémenti écrivit des textes sous forme de lettres, de messages, rédigés en pensant à ses amis, aux autres, qui furent édités en 1973 sous le titre « Quelques messages personnels ». De ces lettres, à l'occasion de leur réédition en poche chez Folio en 2005, Philippe Azoury écrivait dans Libération. Elles ressemblent à Pierre Clémenti acteur. Elles ont quelque chose de brûlé. Elles possèdent une beauté christique. Elles disent à vif l'incandescence mystique que Clémenti portait à l'écran depuis le milieu des années 60 chez Pasolini, Buñuel, Bertolucci, Visconti, Marc O. En 1973, peu de temps après sa sortie de prison, Pierre Clémenti était sur France Culture. Au micro de son ami André Almuro, il disait l'isolement des détenus qu'il faudrait briser, sa foi en toute création sincère, et lisait l'un de ses textes, « Prière pour une pièce de musique ». Feu vert à André Almuro, invention de la parole avec Pierre Clémenti, une émission diffusée la première fois le 8 juin 1973 sur France Culture. Réalisation Arlette Dave. T'as écrit un livre, je ne l'ai pas encore lu, je vais le lire. Est-ce que j'y trouverai un peu ce que tu as écrit ou pas du tout? C'est tout à fait autre chose. C'est une chose que j'ai écrit comme ça pour les gens. Je sais pas, un roman, c'est un message. C'est une lettre, je sais pas. Histoire, ça. C'était l'histoire du déluge. Et maintenant, on est en 73 et j'espère qu'il n'y aura plus de déluge, que ça ira bien et qu'il y a aussi du soleil dans les prisons, c'est tout. Titre, c'est pour une pièce de musique, mais aussi prière. Pourquoi prière? Enfin, est-ce que c'est vraiment le sens de la prière religieusement, ou c'est une prière par lyrisme même de ton écriture? Je sais pas, je crois que l'âme humaine est universelle, donc elle existe dans sa propre unité. Je vais essayer d'en dire, c'est vrai. Et pour toi, c'est un acte naturel, ça fait partie maintenant de ce que tu es. Il n'y a plus de dissociation du tout entre un moment d'élévation et puis, enfin, presque à tous les moments de ta vie. À partir du moment où tu regardes un être, où tu t'adresses à un être, c'est déjà un début ou une naissance de communication par le sacré. Moi, je pense que chaque instant de notre vie, on peut accomplir des miracles, on peut découvrir des êtres, on peut comprendre de plus en plus le sens réel de la vie, on peut absolument servir des forces créatrices en soi pour justement avoir des choses belles. J'aime bien, aussi bien dans le silence que dans les mots, que le mot devienne incantatoire, c'est-à-dire qu'il reprenne son sens magique, et pour ça, retrouver originellement le sens sacré des mots, et essayer... un chant, essayer une chose qui s'adresse aux gens, qui s'adresse à des amis, qui est une lettre. C'est une lettre. Quand j'ai écrit cette chose en pensant beaucoup à toi pour te l'envoyer. Car je savais que ça t'aurait fait plaisir de recevoir cette chose. Et je pense qu'on peut faire vraiment les choses, qu'on fait les choses dirigées vers les gens, vers les amis et pas vers soi-même. Et je pense que dès qu'on s'engage vers quelqu'un à faire quelque chose, on lui fait entièrement. Comme une femme qui fait un enfant, qui assume 9 mois. La poésie, elle enfante tous les jours des réalités. Mais la machine va très lentement. Pour retourner à la perception des choses qu'on oublie, il ne faut pas avoir peur de retrouver les états d'enfance où les sens ne sont pas encore... Ils sont complètement... ils ouvrent les yeux pour la première fois et ce qu'ils voient, c'est vraiment la vie. Et la vie la saisit à un tel point qu'ils la voient même se transformer. Et nous, on perd cette perception au fur et à mesure par ce qu'on nous enseigne, par un enseignement. Et l'homme essaye par les instincts, en définitive, toujours de retrouver ce sens qui est la vérité, qui est la vérité de cette première naissance, qui est l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'être, qui s'accomplit, qui va en s'accomplissant. Je crois que la voix est très, très incantatoire. La voix, c'est un chant, et un chant, puis et le langage. Mais quand on laisse partir sa voix, on atteint les choses bien. Enfin. Je crois beaucoup à la création. Je crois que la création, c'est un continuel émerveillement. On retrouve les gens. Les mystères. Et moi, je crois à la passion. Je crois aux vies. Tu vois. Quelquefois, il y a des êtres qui rentrent dans votre vie, comme ça. Et puis, c'est l'harmonie. On vit dans une harmonie de pensée, parce qu'on sait qu'on est sur un même sentier, peut-être. D'un combat, parce que la vie c'est un combat. Mais... Le Christ est le symbole de l'homme universel, c'est l'être quand l'homme en définitive est accompli et est propulsé comme ça dans un esprit universel. C'est peut-être ça le sens de l'éternité, la conscience de la vie. Et il est certain que arriver à des grands moments de clarté dans la vie, je sais pas. Il faut chercher. Et puis pas avoir peur, et puis combattre. S'acharner, tenir les coups, voir les choses, les imaginer, les créer, les transformer. Pour une pièce de musique. Écrire ne correspond plus à rien. Trouver le mot clé qui fusionne nos désirs. Dans une réalité permanente, joie, amour, liberté. Dans le cercle éphémère, le présent est aboli. Seule l'idée de demain s'élève dans la spirale. Sortie du gouffre, retrouver le soleil de la vie et retourner au monde qui s'ouvre à l'infini. La paresse maladive me maintient sur un lit. Qu'avez-vous ? Ne seriez-vous pas cette lumière transmise depuis toujours. Au diable le pouvoir et le monde imbécile. Je corresponds aux chimères, aux fantasmes, aux amis crucifiés dans les couveuses artificielles, aux cerveaux falsifiés. N'êtes-vous pas les tiges flexibles d'un mental nourri au son national d'une nation qui n'existe pas? La conscience universelle a perdu l'homme exact et l'homme parabolant s'est retrouvé sur la croix. Mourir, l'idée reste neuve jusqu'à demain. Les électriques amplifient les salles et je crois que le grand trône de l'univers se trouve à Sing Sing pour la dernière fois. Choisir les nombreux chemins qui mènent aux chrysanthèmes respire lentement et se fonde dans ce monde qui n'existe pas. Le mirage est passé, le soleil s'est couché. Quelque part sur la plage, un fou illuminé chante et parle aux étoiles. Te souviens-tu du bonheur qui dure et qui ne s'arrête pas? La route de l'espérance passe par les asiles et les prisons d'État, la vague des grandes générations en mutation permanente sollicite les clés d'une immobilité toujours bleue, d'un désir qui ne finit pas. Qu'avais-je à faire hier pour retrouver le sens d'un chemin circulaire, la tombe tracée d'avance et l'uniforme blanc allongé près de moi? Le mensonge permanent m'a ouvert les abîmes. Les ailes de l'esprit m'ont été retirées. J'attends dans un cachot la continuité parfaite d'une sacrée belle idée. Les couloirs, vieux labyrinthes habités aux ténèbres, m'ont révélé le jour et la grande destinée. Un père blanc immaculé, égaré dans ce monde, me regardait effarouché. Les champignons mûrissaient sur des terres désolées. Un jour, je m'en irai dans une grande fumée. En sortant d'un gouffre, j'ai regardé le monde. Étrange voix absolue qui me maintient, malgré moi, dans l'exacte vérité. Le masque des grandes villes, le visage des parents. J'ai remué les lèvres. Je ne savais plus parler. La langue originelle avait évolué. J'ai pleuré. Muré dans mon silence et les grands yeux absents d'un fantasme devenu mère, me caressait la face en me reconnaissant. Douce mère inconnue qui m'avait reconnu, je vous demande pardon d'être devenu le mirage imaginaire d'un enfant mort prématurément. En regardant la pensée, j'ai retrouvé la fleur de mon premier amour. Plus de sang, plus de douleur, un grand chant collectif apparaissait devant moi. L'âme, non prise, apaisée, profitait d'un bonheur que personne ne pouvait interrompre, sans retarder le temps de son ultime épreuve, la grande liberté. Sur les murs blancs de nos grottes souterraines, les dieux retiennent leur souffle et contemplent les œuvres avec émerveillement. Je les regarde pensifs. Leur beauté convulsive se fige dans l'espace-temps. Un sourire, une étincelle, les murs en mouvement me révèlent la fragilité d'un état qui soupire et qui trouve dans l'espérance et la croyance. Le tout est possible, écrit noir sur blanc. Qu'avez-vous fait de l'homme, uniforme squelettique, vieux penseur perverti au biberon patriotique? Qu'avez-vous fait des fleurs, vieux jardinier de la politique, dans ces sphères fécondes que vous avez empoisonnées? J'ai tourné l'axe de la passion, comme une page biblique. J'ai retrouvé mes frères et nous nous sommes aimés. Les Christs milliardaires libéraient les usines, vieille parabole gothique d'un monde qui renaissait. La perfection originelle fécondait la lumière à partir du principe. Le monde en paix fécondait les étoiles. Le cadavre du pouvoir avait les tripes à l'air. L'arbre n'était plus qu'un arche. Le grand rire universel annonçait aux quatre points cardinaux la nouvelle révélation. La gravitation n'était plus au bord de l'abîme. L'arc-en-ciel de la naissance illuminait le premier monde. La paix à la vie des fils et des filles, reliés à l'interphone du Saint-Esprit, évolution parfaite de la conscience qui n'a plus besoin de naître pour agir et participer à la grande architecture créative de l'univers. Les forces cosmiques étaient en place, la mise à feu des réacteurs de la spirale existait, et d'une nouvelle histoire, le temps s'élevait dans le noir cosmos d'un ventre de femme. Continuité du verbe, puisqu'il est action, puisqu'il est la vie, puisqu'il correspond. Ce n'est plus une chose de résonance comme peut être l'écriture qui détermine en soi des réactions, des révélations, des illuminations ou une connaissance comme ça, qu'on analyse plus ou moins, ou un transfert d'amour comme ça, comme on aime les gens. Et puis au contraire, le théâtre qui est un acte sacré qui est né du verbe, qui est né du verbe pour se mettre en accomplissement, est beaucoup plus créatif dans le sens du spectacle. Que d'écrire en définitive continuellement les choses. C'est-à-dire, on peut quelquefois sortir des mots pour s'accomplir en tant que chair, en tant qu'être, et ressentir la vie dans ce qu'elle est de plus exact. Je pense qu'il faut faire le plus de choses possible qu'on a envie, et de ne pas s'arrêter obstinément, la tête contre les murs. Il faut être patient, et la vie vous amène des moments où vous pouvez retourner dans la substance même des choses. Pour les transmettre par la poésie, par le théâtre, par le cinéma, par l'amitié, par l'amour que l'on a dans sa vie. Mais toi, Pierre, on t'a arrêté la vie pendant 2 ans, presque. Est-ce que tu as à dire quelque chose là-dessus, aujourd'hui, 3 mois après, ou un peu plus, je sais plus. Est-ce que tu as à dire quelque chose sur cet arrêt complet qui a eu lieu, contre ta volonté? Non, mais je pense que ce qui est important, c'est essayer, effectivement, de savoir, de rentrer dans les prisons, d'une manière, peut-être par le théâtre, ou... Pour prendre contact justement avec les que les détenus soient plus isolés, mais qu'il y ait un transfert avec les gens qui sont en prison et les gens qui sont en liberté, et essayer de rétablir une communication juste et pas complètement dégradante et injuste surtout. Il y a des choses que j'aimerais vraiment m'occuper, c'est d'essayer de qu'on puisse venir jouer dans les prisons, comme à Frêne à la Santé, des spectacles, qu'on organise des chanteurs qui viennent, pour qu'on rétablisse un lien vraiment sincère et vrai avec les mecs des prisons. Ça donnerait naissance certainement à une chose beaucoup plus positive dans une chose peut-être humaniste, mais absolument indispensable, surtout dans le présent dans lequel nous vivons, je crois, alors qu'on peut beaucoup, et on fait rien parce qu'on oublie ou parce que... Les gens oublient que quand ils possèdent un pouvoir, surtout le pouvoir de la justice, ils peuvent vraiment rétablir les choses, parce que ce qui est imparfait, on peut le rendre parfait par soi-même, par son propre acte dans sa vie, Et quand on a la possibilité de le faire, c'est bien de le faire, et ça fait du bien aussi de le faire. Tu crois que tu aurais eu un écho, par exemple, par des troupes, ou enfin des gens qui auraient joué dans... Il n'y aurait pas une scission encore plus grande? Oui, mais aujourd'hui j'ai vu Jean-Louis Barrault, et puis je me demandais s'il aimerait bien jouer devant les prisonniers. Et puis il m'a dit d'accord, c'est vraiment bien. Tu vois, c'est une chose, il est vraiment une chose normale en plus. Mais est-ce qu'elle est normale du côté des prisonniers? Je crois que quand les gens sont dans la merde, ou on les met encore plus dans la merde, ou on essaye de les en sortir dans un sens bien, c'est-à-dire, tu vois, parce qu'un mec fait... On peut se tromper dans la vie, tu vois, ça arrive. Moi, je me suis trompé des dizaines de fois, tu vois. C'est pas une raison de pas réagir, tu vois. C'était Feu vert à André Almuro, invention de la parole avec Pierre Clémenti, une émission diffusée la première fois le 8 juin 1973 sur France Culture. Réalisation Arlette Dave.